faut qu'à mon aspect, il faut qu'à mon aspect, chacun soit pénétré d'amour et de respect. Taisez-vous, taisez-vous à cet air noble et plein de grâce, à cet air noble et plein de grâce qui va douter de ma grandeur, qui va douter de ma grandeur, qui va douter de ma grandeur, qui va douter de ma prendre ma place en faisant ici le Seigneur, en faisant ici le Seigneur. Non, non, non, je ne fais que reprendre ma place en faisant ici le Seigneur. Non, non, je ne fais que reprendre ma place en faisant ici le Seigneur. En faisant ici le Seigneur, en faisant ici le Seigneur. C'en est fait, oui, je déploie cet éclat qui doit finir. Et qu'importe en ce lieu, livrons-nous à la joie, sans songer à l'avenir. Un seul jour, je serai maître, un seul jour, je serai maître, il faut bien le reconnaître. Un seul jour, je serai maître, mais en tout, mais mon amour. C'est beaucoup d'avoir un jour, c'est beaucoup d'avoir un jour, c'est beaucoup d'avoir un jour, c'est beaucoup d'avoir un jour, mais en tout, mais mon amour, c'est beaucoup d'avoir un jour. Que de plaisir, combien de scènes pastorales, combien de scènes pastorales. Ici, j'entends partout dire le bon Seigneur, mais c'est surtout de mes vassales que je soignerai le bonheur. Ici, j'entends partout dire le bon Seigneur, le bon Seigneur, le bon Seigneur, le bon Seigneur. Un seul jour, je serai maître, il faut bien le reconnaître. Un seul jour, je serai maître, mais en tout, mais mon amour. C'est beaucoup d'avoir un jour, c'est beaucoup d'avoir un jour, c'est beaucoup d'avoir un jour, c'est beaucoup d'avoir un jour, mais en tout, mais mon amour. C'est beaucoup d'avoir un jour, c'est beaucoup d'avoir.